Buenas noches, mi amor. Si crois qu'il va me doubler celui-là, que ça frégate à la con. Patricia. Alors je vais chercher l'argent. Je demande à Patricia oui ou non. Et après. Buenas noches, mi amor. Milano, Genova, Roma. C'est joli la campagne. J'aime beaucoup la France. Si vous n'aimez pas la mer, si vous n'aimez pas la montagne, si vous n'aimez pas la ville, allez vous faire foutre. Oh oh! Des petites filles qui font de l'autostop. Ábrete de orejas, estás en la Costa Azul de la Música, y hoy más que nunca. Comienza una nueva entrega dedicada al escapismo sonoro, con Ege. Pondremos las orejas detrás de los Pirineos, donde viven los gabachos, y también las francesitas. Vivimos muy cerca, pero siempre fuimos muy distintos. Ellos se muestran demasiado sueltos, nosotros en cambio tenemos demasiados complejos. Bueno, nadie es perfecto, pero aquí la verdad nos queda mucho por hacer. Por no tener, no tenemos ni guillotinas. No lo dejes para mañana. Apúntate a las clases de francés del profesor Gainsbourg y sus chicas. Vive la República hoy, aquí, en la Costa Azul de la Música. ¿Estás preparado para hacer un viaje en el tiempo? Comienza la cuenta atrás. ¿Tu veux chanter? Oui, on peut commencer. Mon Dieu, tu es une fille. Quand je t'ai connu, tu citais Boris Vian, Camus. Camus, le nez dans tes songbooks. Et toi qui te prenais pour Zouk. Ensuite, on a vieilli. Tu t'es durci. J'ai vu Alfie. Je sais ce qu'elle. Coupe brutale, mais la nature est animale. Et pourtant, qui le démon consent à la chair, comme c'est couvert en fer dans les stations chères. Et plus je les caresse, plus je me dis que tu es comme beau. Neil, oui, t'en souvient-il? Tu disais savoir faire la cour. Mais moi, crois toujours toi. Tu m'enivrais de mots d'amour. Plus maintenant, car j'ai cédé au style de vie que je laissais à d'autres hommes moins chic que toi. Ce genre de type qui suscite chez les filles des émois. Et pourtant, qui ne dit mon consent à la chair comme c'est couvert en fer dans les stations chères. Et plus tu les caresses, plus tu te dis que je suis comme beaucoup de messieurs. je suis comme beaucoup de messieurs. Costa Azul de la Música, todo el mundo ha salido a la calle a bailar el twist. Nos sentimos como Neil Hannon cantando con Valérie Le Mercier. Encabezan la comitiva la actriz Genevieve Grad, que acaba de cantar, con gafas de sol y bikini a rayas, acompañado por la autoridad, Luis de Funes, con su impecable uniforme de gendarme. Ábrete de orejas. En estos momentos, Genevieve Grad le pasa el micrófono a Les Parisiens. Las cuatro con vestido corto de una pieza azul celeste con minifalda plisada. La gente se arremolina alrededor. Nadie se lo quiere perder. Esto es un sin Dios. ¡Vive la République! Quand on avait tant Ahora se atreven a cantar en inglés, como Coldland, que acabas de escuchar. Demasiado atrevido. Sebastián Tellier lo intentó en el 2008 en Eurovisión y casi se lo comen. Desde entonces prometió cantar más en la lengua patria.

célibataire. Qu'a-t-il vécu ? Comment il est mort ? Ça vous a plu ? Vous en demandez encore ? Eh bien, écoutez l'histoire de... Bonnie et Clyde. Non, espera, espera. ¿No te gusta? Sí, pero vamos a hacerlo al revés. Yo empiezo las frases y tú las terminas, ¿eh? Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux ils forment le gang Barrow. Leur nom Bonnie Parker et James Barrow. Non, Clyde et James. Bonnie Parker et Clyde Barrow. Moi, no canto bien. Claro que sí. ¿Qué va? Con canciones de otros me defiendo. Pero tú me intimidas. Un météorite m'a percé le cœur. Vous sur la terre, vous avez des docteurs. Transfusion de mercure. J'en ai tant perdu par cette blessure. Poussière sidérale. Contact. Contact. Comprenez-moi, il me faut à tout prix rejoindre mon amour dans la galaxie. J'avais pas vu Mirza. La la la la la. J'avais pas vu Mirza. La la la la la. J'avais pas vu Mirza. Oh la la la la la. Où est donc passé ce chien? je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Sale bête, va. Veux-tu venir ici? Le reprocho es que pensara que yo no era lo suficientemente moderna como para seguir a su lado. Où est donc passé ce chien? Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien? Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien? Oh, ça y est, je le vois. C'est bien la dernière fois. Je te cherche comme ça. Veux-tu venir ici? Je le répéterai pas. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Ah oui, te voilà. Veux-tu venir ici? Oh, yeah. Et ne bouge pas. Veux-tu venir ici? Gainsbourg hizo de su fealdad un arma de seducción. Vamos a escucharle acompañado de la beat girl Gillian Hills. Monsieur, s'il vous plaît, je vais être en retard au lycée. Faites comme les copains, prenez le métropolitain. Monsieur, je vous en prie, je n'arrive pas à avoir un taxi. Bon, allez, montez, prenons le chemin des écoliers. Et vous prendrez bien une petite tasse d'anxiété avant de vous rendre au lycée. Où m'emmenez-vous? Êtes-vous donc devenu fou? Un petit tour au bois si vous n'avez pas peur de moi. Mais vous vous trompez, je ne suis pas celle que vous croyez. C'est ce qu'on verra si cela ne vous dérange pas. Vous prendrez bien une petite tasse d'anxiété avant de vous rendre au lycée. Merci, je ferai le reste du chemin à pied. Tout à fait d'accord, ça vous fera un peu de sport. J'ai 3 heures de cours, après quoi je suis de retour. Alors comme ça, vous pensez que je vous attendrai là? Vous prendrez bien une petite tasse d'anxiété avant que je ne vous rende vos clés. Cigarette, Jimmy, Jimmy. Le cœur me chavirait presque, et lui c'était tout comme. Nous faisions des arabesques, et je croyais tomber dans les pommes. Oh! J'avais des larmes aux yeux, et c'était délicieux. Mais je ne sais pas si c'était le tabac ou bien à cause d'une chose que Jimmy me dit ce soir-là. L'amour, el primer cigarrillo, ¿con quién lo fumaste? El amor es como un cigarrillo, ya lo dijo Sylvie Vartan. Tiene algo que decir sobre este tema un fumador compulsivo como usted, señor Gainsbourg. Les cigarrillos son cet avantage de faire le vide autour de moi. J'en apprécie le tabac et la prévenance. Les cigarillos ne sont pas comme moi, empreints de timidité. Et leur agressivité est tout en nuance, sans vous dire jamais rien qui vous blesse. Ils vous congédient avec tendresse. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Les cigarillos me valent bien souvent les adieux éplorés des femmes de qualité et de courtisanes. Les cigarillos savent comme moi que ce ne sont pas mes beaux yeux qu'elles implorent, mais un peu la fin du Havane, sans attendre que tout se consume. Elles disparaissent dans la brume. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. Ah, quel tabac, quel tabac, quel tabac, quel tabac. T'es salvado la vida. Siempre consigo aplazamientos. ¿Cómo dices? Siempre me cruzo con la muerte. Mi cuna se encontraba muy cerca de mi ataúd. Oh, déjate de grandes frases, por favor. ¿Por qué? ¿No las entiendes? Porque te pones atractivo. Parecen cosas que les dices a todas las chicas. Soy un gran animal herido, guapa. No estoy intentando ligar contigo. Tienes que hablar más despacio, si no, no te entiendo nada. Digo que estoy intentando no querer besarte. Qué pena, porque yo tengo muchas ganas. Domicilié chez ses parents, il pleut. Si Je T'aime, de Marie Laforet, sonará a continuación por culpa de Belén Sebastián, que la seleccionaron para uno de los recopilatorios del sello Late Night Tales. Je t'aime encore et de plus en plus fort, mais je veux le garder pour moi. Si je t'aime, cela ne te regarde pas et je ne reviendrai pas, non pas cette fois. Toi qui m'as usé le cœur, toi pour qui j'ai versé tellement de pleurs, tu serais fier sûrement de savoir que maintenant, pour moi, c'est arrêté le temps. Et si je t'aime, si je t'aime, si je t'aime, quand bien même, si je t'aime, si je t'aime, je ne te le dirai plus jamais, puisque je m'en francés como solo las francesas saben hacerlo. Con ella vamos a aprender a usar como Dios manda una expresión muy conocida por todos. ¡Voilà! Je suis là devant toi. Johannes Farr, el director del biopic Gainsbourg, Vida de un héroe, dice que Gainsbourg tiene algo en común con Sarkozy, que los dos son tipos pequeños detrás de una mujer increíble. Dice que eso es muy francés. En Francia hubo un tiempo yeyé. En las películas sonaba siempre el twist. En Le Gentleman de Cocody, el caballeroso Jean Maguet, con traje blanco, ayudaba a Nancy Holloway, en bikini de rayas, a salir de una piscina muy yeyé. Nancy Holloway era un animal exótico, elegante y sensual. Su francés, con acento de Ohio, su piel oscura, su voz profunda. The gentleman from Kokodi, I sure would love to make the gentleman mine. Yeah, I sure would love to make the gentleman mine. He's got a heart that's made out of wood. He starts to kiss me and I feel so good. But he's for me, the gentleman from Kokodi. Yeah. Carla Bruni, que todavía no sabe que va a llegar a ser primera dama de la República, acaba de quitarle el micro a Nancy Holloway en un despiste. Ahora mismo se está dirigiendo a la multitud para pedir serenidad, relajación y buenos alimentos. Todo hay que decirlo. Carla Bruni habla ya como la primera dama que va a ser. Les dice que son todos unos principiantes y que se callen ya. ¿Qué va a cantar ella? Que Carla Bruni sí que sabe cantar. Pero antes pregunta por David Bowie, por si le puede hacer los coros. Luis de Funes le comenta en Petit Comité, claro, en francés, están en la Costa Azul, le comenta que Bowie sigue desaparecido. No saben que acaba de hacer un nuevo disco. To offer, there's nothing much to take. I'm an absolute beginner. And I'm absolutely sane. As we're together, the rest can go to hell. I absolutely love you. But we're absolute beginners. Completely open. But nervous all the same. If our love song could fly over mountains, could laugh at the ocean, just like the film. Absolutely true. Hard times to lay down the hard lines. absolutely true. If our love song could fly over mountains, could sail over heartaches. Au revoir, c'est fini. Esto es todo, amigos. Hasta la semana que viene. Nos despedimos con los parisinos rebeldes de Tijuana, haciendo su versión gabacha de I'm Not Your Stepping Stone. Esta canción se la dedicamos a nuestra amiga Blanca, que seguro que nos está escuchando desde el DF, en México. Recuerda, ábrete de orejas y practica el escapismo sonoro. Incluso me atrevo a salir a la calle.